بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نغبنوا وليغض الشيخ ربيع حفظه الله تعالى كي من أجل الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل، كي la méthodologie des prophètes عليهم الصلاة والسلام dans la da'wa, c'est dans cette voie-là qu'il y a la sagesse et la raison en même temps. Et c'est notre 12e cours. وقفنا في الصفحة عند صفحة الخمسون من الكتاب. Nous nous sommes arrêtés à la page 50 de ce livre. يقول حفظ الله ومن أجل هذا ترى كثيرا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب والطريق الوعر، لأن الداعي الذي يسلكه سيواجه أمه وأباه وأخاه وأحبابه وأصدقائه، وسيواجه المجتمع سيواجه المجتمع وعداوته وسخرياته وأذاه. Il dit حفظه الله تعالى, c'est pour ça que beaucoup parmi les prêcheurs et parmi les duhat divisent cette voie qui est difficile, qui est la voie du puzzle dans l'alim, qui est la voie des prophètes alayhi sallallahu alayhi sallam, qui est un chemin difficile. Car il dit رحمة الله عليه que le prêcheur, il da'i qui prend ce chemin-là, il va faire face à sa mère, à son père, à son frère, à ses amis, il va avoir en face de lui toute une société et la haine de cette société, la moquerie de cette société. يقول حفظه الله يحيدون إلى جوانب من الإسلام لها مكانتها ولا يتنكر لها من يؤمن بالله، ولكن هذه الجوانب ليس فيها تلك الصعوبة والشدة والسخرية والأذى، خصوصا في المجتمعات الإسلامية. فإن سواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاة ويحيطونهم بهالة من التبجيل والتكريم، لا سخرية ولا أذى. اللهم إلا إذا تعرضوا للحكام وهددوا كراسيهم، فإنهم حينئذ يقمعونهم بكل شدة كأحزاب سياسية تناوع الحكام وتهدد عروشهم، والحكام في هذا الباب لا يحابون قريبا ولا حميما ولا مسلما ولا كافرا. إلى حفظه الله تعالى. Donc dans ces cas-là, ces prêcheurs et ces du'at vont s'occuper de certains aspects de l'islam qui ont leur place dans l'islam. Et on ne renie pas ces... Et tout un chacun qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala ne renie pas ces aspects de l'islam. Mais il dit, ces aspects de l'islam, il n'y a pas de, dans le fait de détailler ces aspects et de faire da'wah par ces aspects de l'islam, il n'y a pas la difficulté. On ne se moquera pas du prêcheur qui le fera. Il dit surtout dans les sociétés musulmanes, car le grand nombre de la communauté musulmane vont se réunir autour de ce genre de du'at, et ils vont les vénérer, et ils vont les honorer, et ils ne vont pas se moquer d'eux. Au moment où on va les attaquer, où ils vont être critiqués et attaqués, c'est au moment où ils vont s'attaquer au gouverneur. Et dans ces cas-là, les gouverneurs vont les réprimander, comme tout groupe politique qui cherche la place du gouverneur et qui, et qui accuse le gouverneur qui veut sa place. Et il dit, le gouverneur, à ce niveau-là, ils ne font pas la différence entre un musulman ou un kafir, un ami, un proche ou un lointain. Il n'y a pas de différence pour eux. N'importe qui s'attaque à leur place, ils vont s'attaquer à lui. Ils vont le réprimander, ils vont le mettre en prison, et il va subir. يقول حفظه الله وعلى كل حال نقول لهؤلاء الدعاة مهما شنشنوا وتنطنوا ومهما رفعوا أصواتهم باسم الإسلام اربعوا على أنفسكم فإنكم خرجتم عن منهج الله وصراطه المستقيم اللاحب الذي مرت به مواكب الأنبياء وأتباعهم في الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. الشيخ ربيع يدير حفظه الله تعالى. En tous les cas, nous disons à ces prêcheurs, malgré ce que vous dites, et malgré les paroles avec lesquelles vous criez sur les toits, et malgré le fait que vous élevez votre voix au nom de l'islam, hein, aménagez vos forces et aménagez-vous. Vous avez dévié de la voie d'Allah et de la voie droite, très large, par laquelle sont passés les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui les suivent, hein, qui est la voie de l'appel vers le monothéisme et vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez dévié de cette voie des prophètes alayhi salatu wassalam. Alors aménagez vos forces et faites attention à vous-même. Yaqulu hafidhahu Allah, wa mahma tafalsaftum wa rafa'tum 'aqilatakum bi ismi al-islam fa innakum 'an manhaj al-anbiya alladhi sannahu Allah lana kibun. وما بذلتم من الجهود وجسمتم دعوتكم ومنهجكم فإنكم تتشاغلون بالوسائل قبل الغاية وما أقل جدوى الوسيلة. ويقول في الحاشية: والحكم وسيلة إلى الدعوة إلى الله، كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذا أضرت بالغاية وضخمت على حسابها، بل يا ويل هؤلاء الدعاة أصروا على المضي فيما ابتدعوه من مناهج وحاربوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الله تحت شعارات براقة تخلب ألباب البلهاء والجهلاء بمنهج الأنبياء. Il dit حفظه الله تعالى: malgré votre philosophie et malgré le fait que vous levez votre tête et vous voix au nom de l'islam, vous avez dévié de la voix des prophètes alayhi salatu wassalam. Vous avez dévié de la voix qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée pour ce prophète alayhi salatu wassalam. Et malgré les efforts que vous faites, et malgré la forme que vous donnez à votre da'wa et à votre voix, vous êtes occupé des moyens et vous êtes pas occupé des buts. Et il dit, à quoi ça sert les moyens quand ils font du mal au but et quand eux, on les vénère et on leur donne une place beaucoup plus importante que le but. Il dit, Habibullah Ta'ala, en bas de la page, le fait de juger et le fait d'avoir le gouverneur, d'avoir le pouvoir, ceci est un moyen pour da'wa. Et il ramène un verset du Coran où il est dit, ceux à qui on a donné le pouvoir sur terre, ils accomplissent la prière, ils s'acquittent de la zakat, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. C'est-à-dire ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils accomplissent la prière. Ils s'acquittent de la zakat, ils font ta'wa, ils ordonnent le bien, ils blâment le mal. Le hukm, le gouverneur, n'est qu'un moyen. Le fait d'être à la tête d'un gouverneur n'est qu'un moyen pour ta'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, en s'adressant à ceux de hâte, quand ces moyens font du mal et dénigrent le but, et il dit, malheur à ces de hâte, s'ils s'entêtent à marcher sur ces voies qu'ils ont innovées, et ces voies qu'ils ont innovées, et qu'ils combattent la voie du prophète alayhi salatu wassalam, donc da'wa vers le monothéisme, sous des emblèmes illuminés et des emblèmes qui attirent les ignorants de la communauté et qui détournent ces ignorants de la voie du prophète alayhi salatu wassalam, malheur à ces du'at quand ils agissent ainsi. Fashaykhuna ikhwat al-islam yunabbihu ينبهنا على أن الذي يجد كثيرا من الناس حوله لا يؤذى إلا إذا سب الحكام ونازعهم أمرهم عندها يوقفونه الحكام عند حده فالحكام لا يحابون أحدا عندما ينازعون كراسيهم. فعندما يدخل حكام المسلمين مثلا في المغرب الياسينيين ودعاتهم إلى السجن، أو يدخل حكام أي بلد إسلامي هؤلاء التكفيريين السجن، فهذا لا يعد عداوة للإسلام، كما نسمع من هؤلاء الحركيين أن الحكام يحاربون الموحدين، كما هو الحال في موقع التكفيري صلاح ديزناف وموقع أنصار التوحيد وغيرها من مواقع التكفيريين والمخرفين والمنحرفين عن منهج السلف رضوان الله عليهم. الله عز وجل dans ce passage, Cheikh Rabi حفظه الله تعالى attire notre attention sur le fait que quand un da'i trouve beaucoup de monde, une assemblée énorme devant lui, celui-là il recevra aucun mal, sauf s'il s'attaque au gouverneur et qu'il veut la place des gouverneurs. Dans ces cas-là, les gouverneurs vont le remettre à sa place. Parce que les gouverneurs, en ce qui concerne leur poste et leur place, pour eux, il n'y a aucune différence. Ils ne font pas la différence entre un proche ou leur frère ou leur père. Ils font la guerre à tout le monde. Du moment que cette personne veut leur place, ben, ils lui feront la guerre. Bah, par exemple, prends par exemple quand les gouverneurs du Maroc mettent les Yassinites ou les Du'ad, les Yassinites et les têtes des Yassinites en prison. Ou là, dans certains pays de l'islam, ils mettent les têtes des Tkfiriyin en prison. Ceci, ce n'est pas une guerre contre l'islam, comme on l'entend, de la tête de ces groupes. Car, tu les entends, par exemple, tu prends le cas de Salah 19 sur son salon des Tkfir, ou Ansar Tawhid ou autre, tu les entends. Regardez ces gouverneurs, ils combattent nos frères, nos monothéistes, etc. Ils les mettent en prison. Pourquoi ils les mettent en prison? Parce qu'ils veulent le poste de ces gouverneurs. Parce qu'ils concurrencent le poste. Ils veulent le poste de ces gouverneurs. C'est pour ça qu'ils les mettent en prison. Ce n'est pas une guerre contre l'islam. C'est une guerre contre des personnes qui veulent la place d'un gouverneur. Et il est évident que le gouverneur va défendre sa place. Il ne faut pas se faire avoir par ce genre de débilité, par ce genre de paroles qu'on entend de la tête de ces déviés de la voix des pisères d'Allah alayhim. Fa'aulai, les munharifouna an manhaji salaf, yusawwirouna linnas anna ma yif'alou bihim al-hukam adawatan didda al-islam. Fa'akha al-islam tadakkar hada. Fa'al-hukam yisjinouna al-ilmani, wa yisjinouna al-shiyoui, alladhi yunazi'oum ala al-kursi. Fa'al yu'addu hada nusrata lil-islam? أبدا سجلهم لهؤلاء فقط المحافظة على كراسيهم. فمن الله عز وجل ces gens là, ceux qui ont dévié de la poids de plusieurs ridwanullah alayhim, ben ceux là ils font imaginer aux gens que les gouverneurs du pays de l'islam leur font la guerre et que cette guerre c'est une guerre contre l'islam. Et ceci c'est pas vrai, frère Allah azza wa jal. Regarde avec moi, les gouverneurs du pays de l'islam mettent en prison le laïc, le communiste. Quand il veut leur poste, ils le mettent en prison. Est-ce que dans ces cas-là, quand ils mettent le laïc et le communiste en prison, ceci, on le considère comme quoi ils font triompher de l'islam? Non, pas du tout. Tout simplement parce qu'ils veulent préserver leur poste et préserver leur pouvoir. Quel est le cas si je nomme les haoulaï al-muhayyijin al-sabab, min yasiniyin wa tkfiriyin wa ikhwan, haoulaï al-munharifin al-manhaj al-anbiya? ليس هذا سجنهم عداوة للإسلام، إنما هو من باب المحافظة على الكرسي وعلى السلطة. فإن الله عز وجل il en est de même. Quand les gouverneurs d'un pays de l'islam mettent en prison les tkfiri ou les yassinites ou les têtes des ikhwan, etc., ceci ce n'est pas une guerre contre l'islam, ce n'est pas une haine contre l'islam, loin de là. Mais ceci c'est tout simplement pour préserver leur poste et préserver leur pouvoir. C'est tout simplement ça. فالحكام إخوة الإسلام لا فرق عندهم بين علماني وشيوعي وتكفيري، فكل واحد ينازعهم الحكم يسجنونه مهما كان. إيه فرعون الله عز وجل شارج que si le gouverneur, il y a aucune différence entre un laïc ou un communiste ou un tkfiri ou autre, tout un chacun qui vient, qui veut leur poste et qui veut les concurrencer sur le pouvoir, ils le mettent en prison, ils l'attaquent. Ils ne font pas la différence. فإذا أصررت أخ الإسلام على أن سجن هذا المهيج ضد الحكام هو عمل ضد الإسلام، فعليك كذلك أن تفسر سجن الحاكم للشيوعي والعلماني على أنه عمل من أجل الإسلام. فإن الله عز وجل maintenant tu t'entêtes pour que tu m'expliques que le fait que ces gouverneurs mettent ce qui excite la jeunesse musulmane, ils les mettent en prison, que ceci c'est un acte contre l'islam. Dans ces cas-là, bah, tu m'expliques aussi que le fait qu'ils mettent les laïcs ou les communistes, hein, qu'ils les mettent en prison, ceci c'est pour faire triompher l'islam et c'est pour l'islam. فأخ الإسلام في كثير من سجون البلدان الإسلامية تجد الشيوعي الماركسي والعلماني والتكفيري والقطبي والسروري والياسيني والإخواني جنبا إلى جنب. فإن زعمت أن سجن الحكومة الإسلاميين المهيجين للشباب أنه ضد الإسلام فلتفسر كذلك سجنهم للشيوعيين والعلمانيين بأنه نصرة الإسلام. وبهذا يحصل تعارض بين الأمرين، كيف يكونون ضد الإسلام وكيف ينصرون الإسلام في آن واحد؟ فيكون هناك تناقض في فعل هؤلاء الحكام، وهذا لا يقول به عاقل. فقول الله عز وجل. Dans beaucoup de pays de l'islam, dans les prisons de ces pays, tu trouves le communiste marxiste à côté du Qutbi, à côté du Sururi, à côté du Tkbiri, à côté du laïc. Ils sont tous l'un côté de l'autre. Donc si tu prétends que le fait qu'un gouverneur musulman ait ces musulmans qui excitent la jeunesse musulmane d'aide, hein, que le fait de les... que les gouverneurs mettent ces tkfiris en prison, que ceci est un acte contre l'islam, dans ces cas-là, tu dois expliquer aussi que le fait qu'ils mettent les laïcs, les communistes, en prison, que ceci aussi, c'est pour faire triompher l'islam. Et dans ces cas-là, tu vas tomber dans une contradiction. Comment les gouverneurs de l'islam peuvent faire des actes contre l'islam et un acte aussi pour faire triompher l'islam en même temps? Donc, ceci, personne... Et ceci, c'est une contradiction dans laquelle, dans l'acte de ces gouverneurs, et ceci, personne ne peut le dire. Tout un chacun qui est doué de raison ne pensera pas cette pensée-là. Et la haqiqatu akhal islam, anna as-sinfayn yunazi'una al-amra ahlahu wa lidhalika sajanuhum. La yujadu sababun akhar. Fahada amrun siyasi mahd la silata lahu bid-din, la min qarib wa la min ba'id. Quand Allah Azza wa Jalla minhu réalité les deux catégories, que ce soit le communiste ou le laïc, qui veulent le poste du gouverneur, et les tkfiris qui veulent le poste du gouverneur, les deux, le fait qu'ils soient en prison, c'est une situation politique, tout simplement, claire et nette. Ça n'a rien à voir avec la religion, ni de près ni de loin. يقول الشيخ حفظه الله تعالى إن الحديث عن دعوات الأنبياء إلى توحيد الله ومنهجهم وما لاقوا في سبيل ذلك من الأهوال والبلايا والمحن أمر لا يتسع له مجال كهذا ولسوف أقتصر على عرض دعوات خمسة منهم صلوات الله وسلامه عليهم وذلك سيجعلنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. الشيخ de nous dire حفظه الله تعالى parler de la da'wa du prophète عليه الصلاة والسلام, la da'wa qu'ils ont fait vers le monothéisme, et parler de la voix du prophète عليه الصلاة والسلام, est-ce qu'ils ont subi en accomplissant cette da'wa, en prenant ce chemin, ce qu'ils ont subi comme épreuve et ce qu'ils ont enduré comme mal, ceci est grand. Et un livre comme il a écrit Shir ne peut pas étaler toute la voie du prophète alayhi salatu wasalam. Et il dit, Havidallahu ta'ala, c'est pour ça que je vais tout simplement m'arrêter à vous parler de la da'wa de cinq parmi ces grands prophètes alayhi salatu wasalam. Et il dit, le fait de nous parler de ces cinq prophètes alayhi salatu wasalam et de leur da'wa, celui va nous permettre d'être sur la clarté de la voie et d'être sur un chemin clair où la nuit et le jour sont identiques, ne s'égarent de cette voie claire que ceux qui cherchent leur perte. Fa, ikhwat al-islam, Cheikh سيبين لنا بين لنا أن الدعوة إلى التوحيد منهج صعب ووعد ولذلك كثير من الدعاة يعرضون عنه لأنهم لا يريدون الاصطدام لا سيما إذا نشأ الداعية وشب في بيئة شركية أو بيئة تنتشر فيها الخرافات والبدع والشرك فإنه إن دعا إلى التوحيد أو ما يصدم به أهله وأبوه وإخوانه وجيرانه وأصدقائه وأهل بلدته وهذا أول ما سيصدم به سيصطدم مع أهله وأبويه وإخوانه وجيرانه وأصدقائه وأهل بلدته ومحبيه وهذا واقع ومشاهد إخوة الإسلام. فرحمنا الله عز وجل dans ce passage الشيخ ربيع حفظه الله تعالى nous a montré que le fait de prêcher le monothéisme, la voie de prêcher le monothéisme est une voie qui est difficile. C'est pour ça que beaucoup de prêcheurs se détournent de cette voie. Parce qu'ils ne veulent pas faire face à face aux problèmes et faire face à la société dans laquelle ils vivent. Surtout quand le Da'i est né et a grandi dans un milieu dans lequel il y a l'associationnisme, ou dans un milieu aussi où il propageait l'innovation, les histoires à Dermer Doubou et l'associationnisme. Car quand il va appeler au monothéisme, le premier problème qu'il va rencontrer, il va rencontrer des problèmes avec sa famille, eux les premiers. Ses parents, ses frères, ses voisins, ses amis, ceux qu'il aime, les gens de son pays. Et ceci, c'est une réalité. Naam, ikhwat al-islam. Wa sayyitahamu bituhami taqlidiyya. Annahu wahhabi. Wa annahu la yuhibbu s-salihin. Wa l-awliya. Wa rubbama aftaraw alayhi wa tajra'u. واتهموه بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الجفري عن أهل السنة السلفيين لمحاربتهم الشرك الذي عليه هو وأمثاله إن القوم يقول هذا الجفري إن القوم بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شيء نعم هكذا كما سمعتم وهو يتكلم عن السلفيين الدابين عن التوحيد ناهين عن الشرك فهنا الله عز وجل سخت personne qui va se lever. Il va appeler vers le monothéisme. Il va appeler, il va faire une da'wa comme la da'wa des prophètes. Il va être accusé par les accusations traditionnelles. On l'accusera d'être wahhabi. Et comme quoi il n'aime pas les vertus, qu'il n'aime pas l'awliya. Peut-être comme on va inventer des mensonges sur son dos. On va l'accuser de beaucoup de choses. On va même l'accuser comme quoi il n'aime pas le prophète. Comme il a dit le Jufri. Jufri, il a dit des gens de la sunna et du salafi qui combattent l'associationnisme sur laquelle il est lui et ses disciples. Il a dit du salafi et du monothéiste, il a dit ces gens-là, ils ont un problème avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, comme tu l'as entendu, frère en Allah azza wa jal. Il parle, de qui il parle ici? Il parle du salafi qui propage le monothéisme et qui interdisent l'associationnisme. Wallahi al-azim, wallahi alladhi la ilaha ghayruh. أنه ما بين السلفيين والرسول الكريم إلا الحب والاتباع والتقدير والاحترام الواجب لنبي الله عز وجل ولكن الجفري خرافي قبوري واقع في الشرك كما قرر ذلك أهل العلم فلما رأى أهل السنة يحرمون شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن ذلك أهل العلم وكما نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تشد الرحل إلا ثلاث مساجد بغى الله خير من الله عز وجل qui est le seul digne d'être adoré. Que entre les salafis et le prophète, il n'y a que l'amour et le suivi et le respect qui est obligatoire vis-à-vis de notre prophète. Les salafis aiment leur prophète, ils suivent leur prophète. Ils veulent que les gens le suivent et le respectent comme il se doit. Un respect législatif. Et non pas une adoration qui amène une vénération qui amène au fait de l'adorer. Mais le Jufri est un khurafi, est un adorateur des tombes, et il est dans la tête, de la tête aux pieds, dans l'associationnisme, comme l'ont confirmé les hommes de science, mais quand il a vu que les gens de la sunna interdisent le fait de voyager, de prendre, et de voyager vers la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont interdit cet acte-là, parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, on prend son pactage et on ne voyage que vers trois mosquées. Et il ne nous a pas parlé du fait de voyager vers sa tombe. Et les hommes de science interdisent le fait de voyager, un voyage d'adoration vers la tombe de Muhammad alayhi salatu wassalam, comme l'instaure le Jufri et ses disciples. فَلَمَّا رَأَ الْجُفْرِ وَمْتَالُهُ مِنَ الْخُرَافِيِّينَ أن السلفيين يمنعون شد الرحل إلى قرب النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه والتوسل به التوسل الشركي البدعي لما رآه يمنعون المواليد وهذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ظن المسكين أن في نفوس السلفيين شيء على رسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يفهم حقيقة التوحيد ولا حقيقة السنة يكون الجفري ceux qui sont sur la même voie que lui ils ont vu. Ils ont entendu que les salafis interdisent le fait de voyager vers la tombe du prophète alayhi salatu wassalam et le fait de demander des choses au prophète alayhi salatu wassalam et le fait de faire des innovations devant la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Quand il a vu, ainsi que ses disciples, a vu que les salafis interdisent ce qu'on appelle le maulid et ces innovations sur lesquelles il n'y a aucune preuve, il a cru le pauvre que les salafis ont quelque chose dans leur cœur contre le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas la réalité du monothéisme. Il ne comprend pas la réalité de la sunna, lui et ses disciples. نعم إخوة الإسلام، في نفوس السلفيين شيء على البدع وأهل البدع والخرافات، ولذلك يمنعون منها وينهون عنها، فكل طريق يفضي إلى الشرك أو البدع يسدونه ويغلقونه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولكن الرجل هذا الجفري خرافي قبوري، فيا عجبا له من تهمه للسلفيين. Et certes, frère Allah Azza wa Jal, les salafis ont quelque chose dans leur cœur contre les innovations, contre les histoires à dormir debout. Et ils interdisent, c'est pour ça qu'ils interdisent les innovations. Ils blâment les innovations, ils avertissent contre eux les innovations. Et ils blâment toute voie qui va amener vers l'associationnisme, et toute voie et toute porte qui va amener vers l'innovation, ils la ferment. Comme il a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Mais le Joufri, ainsi que ses disciples, c'est un khurafi qobori. Et il ne faut pas s'étonner qu'il ait accusé les salafis de, des accusations qu'il leur a données. فَطَرِيقُ الدَّعْوَةِ أَخَى الْإِسْلَامِ عَلَى مِنْهَجِ الْأَنْبِيَاءِ صَعْبٌ وَلَيْسَ بِسَهْلٍ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَصْطَدِمَ الْمُوَحِّدِ بِهَؤُلَاءِ الْخُرَافِيِّينَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ il faut savoir que la voie de la da'wa, selon la voie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une voie qui est difficile. Il n'y a pas des pétales de rose sur ce chemin. Il y a des épines. Et c'est un chemin qui n'est pas difficile, qui n'est pas facile, qui est très difficile. Donc il est obligatoire que le monothéiste, que le sunni, fasse face et se heurte à ses khurafi et à ses innovateurs, à ce sofi. ويصطدم كذلك بدعاة يدعون إلى جوانب من الإسلام ويهمشون التوحيد لأنه صعب ويفرق بزعمهم وحالهم يقول شرك يجمعنا خير من توحيد يفرقنا وبدعة توحدنا خير من سنة تفرقنا. فإن الله عز وجل إي celui qui appelle selon la voie du prophète عليه الصلاة والسلام et vers le monothéisme, il va se heurter aussi à des duat qui appellent vers certains aspects de l'islam. Qu'on néglige pas les comportements, les vertus, etc. On néglige pas. Mais l'essentiel dans cette da'wa, c'est l'appel vers le monothéisme et le fait d'interdire shirk. Mais ceux-là, ces du'at, ils négligent le monothéisme. Pourquoi? Parce que la voie, le fait d'appeler vers le monothéisme, c'est une voie qui est difficile. Et parce que selon leurs prétentions, c'est une voie qui sépare et qui divise. Et selon leur situation, ils disent. Il y a un associationnisme qui nous réunit vaut mieux qu'un monothéisme qui nous sépare. Et une innovation qui nous réunit vaut mieux qu'une sunna qui nous sépare. نعم أخ الإسلام. حتى أن بعض الدعاة لما رأى الأمر صعبا ترك الدندنة حول التوحيد وترك الأمر وأخذ يدعو إلى فضائل الأعمال وترقيق القلوب ولا يتعرض للتوحيد من قريب ولا من بعيد لأنه يخاف الصدام. Jusqu'à certain point, arrivé à ce stade-là que certains du'at, quand ils ont vu que la situation est difficile, ils ont délaissé le fait de parler sur le monothéisme. Ils l'ont mis de côté, ils ont commencé à parler des vertus, des actes vertueux, du comportement, des choses qui adoucissent les cœurs, et ils ne parlent jamais de monothéisme, ni de près ni de loin, parce qu'ils ont peur de faire face aux autres, et d'avoir les autres en face d'eux. فانظر بارك الله فيكم كيف واجه الإمام محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله العقبات في سبيل الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. واجه رحمه الله عقبات عظيمة فدعوته تشبه دعوة الأنبياء. اقرأوا حياته كيف هدد بالقتل، كيف حورب، وكيف ضيق عليه حتى نصره الله وكان رجلا واحدا. لأن الله عز وجل جوز انفيت اجوتي ان رغار sur la biographie de l'imam réformateur Mohammed ibn Abdullah rahmatullah alayh. À quel obstacle il a fait face pour le fait d'appeler vers le monothéisme et d'interdire l'associationnisme? Il a fait face à des problèmes très énormes. On l'a même menacé de mort. Et comment on l'a attaqué? On a attaqué sa famille. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait triompher alors qu'il était un seul homme. فإخوة الإسلام اقرأوا سيرته ليزي سبيوغرافي فسيرته نموذج للداعية الذي يصبر على الدعوة ويبذل كل شيء في سبيل الله وتحقيقها ويضحي في سبيلها لكي يبلغ دين الله عز وجل للناس ولكي ينشر فيهم التوحيد الذي جاءت به الرسل. فإن الله عز وجل بيوغرافي دو سيتوم إتا موديل pour tout da'i est un modèle de ce da'i qui patiente et qui endure sur la voie d'appeler vers le monothéisme. Est un modèle pour voir comment ces temples à sacrifier pour ces da'wah, pour transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour propager le monothéisme, et pour combattre l'associationnisme, le monothéisme qu'ont propagé les prophètes d'Allah, alayhi salatu wassalam. Fa da'wah ila al-akhlaq wa fada'il al-amal. Fa in da'wah ta'akha l'islam ila al-akhlaq wa fada'il al-amal, wa tarakta al-tahuhida wa nahi an al-shirk wa al-bida. Na'am al-nas taltafatu hawlak, wa taqbal minak. وتزداد حبا عندهم ان تكلمت في الحكام وتنقصت عندهم العلماء من الله عز وجل maintenant si tu parles aux gens que tu prends un manbar ou tu es sur une chaise dans une mosquée tu parles que du comportement que des actes vertueux et tu laisses de côté le monothéisme et le fait de blâmer l'associationnisme et le fait de parler et de blâmer les innovations les gens vont se tourner autour de toi ils vont accepter tes paroles et ils vont t'aimer mais Et ils vont t'aimer encore plus si tu commences à leur parler du gouverneur et que tu diminues les hommes de science à leurs yeux. Ils vont t'aimer, frère en Allah, Azzawajal, si tu prends cette voie-là. Mais si tu commences à leur parler de leurs erreurs qu'ils font dans la prière et des erreurs qu'ils ont dans le monothéisme et l'associationnisme qu'ils accomplissent, ils vont s'éloigner de toi. Ils vont commencer à mal parler de toi et à t'attaquer. فدعوة التوحيد أيها الإخوة هي التي تميز لك معادن الناس الذين تجمهروا حولك وهي التي تظهر لك هؤلاء الذين يلمعونك ويظهرونك في الفضائيات عبر المواقع والقنوات فهؤلاء إذا بدأت بالتوحيد واعتنيت به ونهجتنا ونهج الأنبياء فإنهم سوف يلقونك حول ظهورهم ولا يبالون بك وذاك التلميع وتلك الجموع كلها ستنفض من حولك فلا تغتر بهم يا أخ الإسلام Donc, la da'wa vers le monothéisme, frère Allah, c'est elle qui te permet de faire la différence et de savoir qui t'entoure et qui est autour de toi. Car tous ces gens-là qui se mettent autour de toi et qui essayent de d'embellir ton image quand tu ne parles pas du monothéisme et qui essayent de te faire passer à la télé, ou là sur certaines chaînes, ou là par-ci dans n'importe quel média, beaucoup parmi ces gens-là qui veulent te faire une image, quand tu leur parles du monothéisme et de la sunna, et que tu t'occupes du monothéisme, quand on fait le prophète d'Allah Azzawajal, ils vont te jeter dehors, frère d'Allah Azzawajal. Ils ne vont pas te prendre en considération. Ils vont te mettre derrière eux. Et ils vont dégager les gens autour de toi parce que tu ne corresponds pas à ce qu'ils espèrent parler des au mal du gouverneur et embellir n'importe quelle innovation et réunir les gens sur n'importe quoi. Enfin, la da'wa du monothéisme est quelque chose de très important, frère en Allah, Azza wa Jalla. C'est sur laquelle qu'il faut vivre, sur cette da'wa et mourir pour cette da'wa. Fayaqul le cheikh, hafidhahu Allah ta'ala, fa'awwaluhum Nuh, Abu al-Bashar, al-Thani, wa awwala rasulun ila ahli al-ard, عاش هذا النبي العظيم عمرا مديدا ودهرا طويلا ألف سنة إلا 50 عاما لبثها في دعوة قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له لا يكل ولا يمل ليلا ونهارا سرا وجهارا الشيخ حفظه الله تعالى de commencer de détailler la voix des prophètes عليهم الصلاة والسلام dans la da'wa. Il nous parle du premier qui est Nuh عليه الصلاة والسلام. Il dit Nuh qui est le père, le deuxième père de l'humanité, des humains. Et le premier des messagers aux gens de la terre. Il dit, ce noble prophète a vécu une longue vie. 1000 ans, moins 50 ans, il a vécu toute cette vie, a appelé son peuple vers le monothéisme, et vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne s'est pas fatigué, il ne s'est pas lassé, nuit et jour, en public et en privé, il n'a pas arrêté d'appeler les gens, d'appeler son peuple vers le monothéisme. فيقول عز وجل في سورة نوح الله سبحانه وتعالى réservé tout un verset, toute une sourate qui est la sourate de Nuh. Où nous a parlé que la da'wa de Nuh عليه الصلاة والسلام. Du début jusqu'à la fin. قال عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Il est dit dans ce verset Nous avons envoyé Nuh à son peuple, averti ton peuple avant qu'il leur arrive l'énorme châtiment. Qala ya qawmini lakum nadhirul mubin. Il leur a dit au peuple, je suis un avertisseur clair pour vous. Ani'budullah wa attaquhu wa ati'un. Adorez Allah, préservez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et obéissez-moi. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Il vous pardonnera vos péchés. Et il va vous laisser jusqu'à un terme bien défini. Car quand le terme d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive, ne peut plus être reculé, si vous savez. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Il a dit, ô souverain, j'ai appelé mon peuple nuit et jour et mon dua et mon appel n'a fait qu'ils se sauvent de moi. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا. Il a dit, chaque fois que je les appelle pour que tu leur pardonnes, ya Allah, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Et ils se sont couverts de leurs vêtements pour ne pas entendre la parole de Nuh alayhi salatu wasalam. Et ils se sont énergueillis. Thumma inni da'awtuhum jiharan, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israran. Je les ai appelés en public. Et après, j'ai fait une da'wa claire devant tout le monde. Et après, je l'ai fait en privé. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Et je leur ai dit, demandez pardon à votre souverain, car il est le pardonneur. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. Il leur dit que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala pourra leur donner, il va faire pleuvoir la terre, il va vous donner de l'argent, il va vous donner les enfants, il va faire que vous ayez des fleuves et des jardins devant vous. Ma lakum la tarjouna lillahi wa qara. Pourquoi vous ne respectez pas Allah subhanahu wa ta'ala? Et vous ne reconnaissez pas la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad khalaqakum atwar, alors qu'il vous a créé étape par étape. Et il essaye, dans son message, de leur parler de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alam taraw kayfa khalaqa sab'a samawat tibaqan wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala as-shamsa siraja. N'avez-vous pas vu comment Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les sept cieux, et qu'il a fait que la lune est une lumière, il a fait aussi que le soleil dans la clarté du jour, etc. Il leur montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils l'adorent. Wallahu ja'ala lakum al-ardha bisatan litasluku minha subulan fijaja. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que la terre soit stable pour vous, que vous errez sur cette terre où vous voulez. Vous puissiez vivre tranquillement sur cette terre. Pour qu'il leur montre tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Qala Nuh Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Il a dit, et Nuh a dit, ô souverain, ils m'ont désobéi, ils ont suivi celui dont ni la fortune, ni les enfants, ni sa fortune et ses enfants vont leur amener que vers le mal. C'est celui-là qu'ils ont suivi. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Et là, ils sont arrivés au point du litige qu'il y a entre tous les prophètes. Ils ont dit, ne délaissez pas votre divinité. Nuh les appelle à réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème avec les prophètes alayhi salatu wassalam. Ne délaissez pas votre divinité. Ne délaissez pas Oud, Iswa, Yahoud, Ya'ouk, Yanasr, qui étaient des hommes vertueux à cette époque. وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne parle, mais que comme ils se sont entêtés, etc. Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé le dua de Nuh alayhi salatu wassalam. Il les a engloutis sur l'eau, sauf ceux qui ont monté sur l'arche avec Nuh alayhi salatu wassalam. Fa taban, vous connaissez l'histoire de Nuh alayhi salatu wassalam. Je vous conseille de revenir vers la sourate de Nuh et de la méditer. On voit un petit peu l'essentiel de la da'wa de Nuh alayhi salatu wassalam. طبعا تعرفون قصة هذا النبي الكريم وصورة نوح أكبر دليل على دعوته وأنه مع طول عمر دعوته لم يبدل ولم يغير المنهج الرباني الذي هو الدعوة إلى التوحيد. Vous connaissez, frère en Allah عز وجل, l'histoire de ce noble prophète عليه الصلاة والسلام. Et vous avez la sourate de Nuh qui est l'une des grandes épreuves de la da'wa de Nuh alayhi salatu wassalam. Malgré la longue vie qu'il a vécu, ce prophète alayhi salatu wassalam, 1000 au moins 50 ans, il n'a rien changé de la voie que Allah subhanahu wa ta'ala a instaurée, qui est la da'wa vers le monothéisme. Il n'a rien changé. فما قال نوح أغير هذه الطريقة لأنها لا تنفع مع القوم فبقي صلى الله عليه وسلم على نفس الطريقة ترغيب وترهيب سرا وجهرا ليلا ونهارا دعوة إلى توحيد الله بالعبادة والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل Et نوح عليه الصلاة والسلام il n'a pas changé sa voix il n'a pas dit cette voix n'a rien servi avec mon peuple viens je change je ramène une autre voix Je fais de la politique avec eux. Il est resté, alayhi salatu wassalam, sur la même voie que Allah subhanahu wa ta'ala a instauré. Il les a incités, il leur a fait peur, il les a incités, il leur a montré les bonnes choses que Allah subhanahu wa ta'ala leur promet, etc. Et il leur a fait peur aussi du châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a appelés en public, il les a appelés en secret, en privé, nuit et jour. Il les a appelés tout le temps vers le monothéisme, vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de délaisser tout ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. فنوح كما قال الشيخ أبو البشر الثاني هنا هذه العبارة لا تفهم على أن كل من جاء بعد نوح هو من ذرية نوح وربنا لم يقل ذرية نوح ولكن قال ذرية من حملنا مع نوح فكل البشر الذين يعيشون على الـ على الـ على الأرض اليوم هم من ذرية من حمل الله على ظهر السفينة مع نوح وهذا لا يلزم أن يكونوا من ذرية نوح نفسه هنا الله عز وجل الشيخ حفظه الله تعالى الذي De Nuh alayhi salatu wassalam, c'est le père, le deuxième père de l'humanité, des hommes. Hein? Et cette expression, il ne faut pas la comprendre que tous ceux qui sont arrivés, que tous les humains qui sont arrivés après Nuh sont de la descendance de Nuh alayhi salatu wassalam. Là, car il est dit dans le verset, il n'a pas été dit la descendance, dans le verset la descendance de Nuh. Il a dit la descendance de ceux qu'on a transportés avec Nuh. Dans le verset, il est dit que la descendance de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a transporté dans l'arche avec Nuh. Donc tous les humains qui vivent sur terre aujourd'hui sont de la descendance de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a transporté, ceux qui ont monté de ceux qui étaient sur l'arche de Nuh alayhi salatu wassalam. Et cela n'implique pas que ces gens-là soient la descendance de Nuh lui-même. Hein? ورغم تكذيب قوم نوح له صبر وما غير دعوته فلماذا يستمر هذا النبي وهذه المدة الطويلة على هذا المنهج لأن الدعوة واحدة دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك هذه هي الدعوة لا تبديل لأمر الله عز وجل Et malgré que son peuple a démonté ce message عليه الصلاة والسلام ce message a enduré et a patienté il n'a rien changé au niveau de sa da'wah Pourquoi maintenant ce prophète reste toute cette longue vie sur cette même voie, il n'a rien changé. Car frère, on a Allah Azza wa Jal, la seule da'wa que Allah subhanahu wa ta'ala a instaurée, et la seule voie que Allah subhanahu wa ta'ala a instaurée, hein, donc da'wa c'est le fait d'appeler vers le monothéisme et de blâmer l'associationnisme, frère, on a Allah Azza wa Jal. Fa yaqul le sheikh, hafidhahullah, wa matta'a bih, mada fi da'wati hadha rasul al-karim. وقد قص الله علينا خلاصة دعوته الكريمة التي استغرقت 1000 سنة إلا 50 عاما الشيخ ربيع حفظه الله تعالى qu'est-ce qu'il y a dans la da'wa de ce noble messager alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous a conté la da'wa de ce noble messager c'est une cette noble da'wa qui a duré 950 ans يقول الشيخ حفظه الله إنها دعوة جادة إلى توحيد الله وعبادته وحده في جهد دائب ما ترك وسيلة تمكنه إلا استخدمها لإقناع بدعوته سرا وجهارا وترغيبا وترهيبا ووعدا ووعيدا واحتجاجا واستدلالا بالأدلة العقلية والحسية من واقع أنفسهم وحياتهم وما بين أيديهم من السماء والأرض وما فيهما من آيات وعبر وكل ذلك لم يجد فيهم نفعا ولا دفعهم إلى استجابة بل أصروا على كفرهم وضلالهم واستكبروا استكبارا Il dit, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, c'est une da'wa claire, une da'wa solide, vers le monothéisme, et vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans un effort continu, et dans un effort qui ne s'est jamais coupé. Et ce prophète, alayhi salam, n'a pas laissé un moyen qu'il pouvait utiliser pour les convaincre d'adhérer à sa da'wa, qu'il n'a pas utilisé. Il a utilisé tous les moyens qu'il connaissait. Il les a appelés en privé. En public, il les a montré les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leur donner envie. Et il leur a fait peur aussi du châtiment d'Allah. Donc il a joué avec eux tous les moyens, il a utilisé la promesse et le châtiment aussi. Et il a pris toutes les preuves, que ce soit, il a utilisé toutes les preuves, que ce soit au niveau de la raison ou là au niveau du concret. Et il a utilisé les preuves de leur propre vie à eux-mêmes. Et il a utilisé les preuves qu'il y a entre les cieux et la terre. Et ce qu'il y a comme signe dans les cieux et la terre. Et comme leçon à retenir. Et tout ceci n'a pas servi. Et tout ceci ne les a pas poussés à répondre à ce prophète, alayhi salatu wassalam. Mais ils se sont entêtés sur leur mécréance. Et sur leur égarement, ils se sont remplis d'orgueil. Et le cheikh, habidahullah, أصروا على التشبت بأصنامهم ومعبوداتهم الباطلة فكانت النتيجة لهذا الإصرار والاستكبار الهلاك والدمار في الدنيا وفي الآخرة الخلود في عذاب النار. Ils se sont entêtés, ils se sont cramponnés à leur statue et à leur fausse adorée et à leur leur divinité nulle et le résultat qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qu'il a été le résultat après leur orgueil, après leur entêtement à rester dans l'association libre? C'était qu'ils ont péri. Ils ont été détruits dans ce bas monde. Et dans le delà, c'est l'éternité dans le feu de l'enfer. Et ici, cher de le dire, on se pose la question. Pourquoi ce noble prophète reste toute cette longue vie à faire tant d'efforts sans se lasser et sans se fatiguer à appeler tout simplement vers le monothéisme? ويقول الشيخ ولماذا يمدحه الله ويثني عليه الثناء العاطر ويخلد ذكره ويجعله في عداد الرسل أولي العزم. Il dit aussi pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de Nuh alayhi salatu wassalam. Il fait l'énorme éloge à Nuh alayhi salatu wassalam. Et son évocation est restée éternellement. On l'a lu dans le Coran. Et il a fait qu'il fait partie des prophètes qui sont doués, des messagers qui sont doués de ferme résolution. Pourquoi? يقول الشيخ هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكبار؟ Il dit est-ce que la da'wa vers le monothéisme mérite toute cette importance? هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجانب للمنطق والحكمة والعقل؟ Il dit حفظه الله est-ce que cette voie et le fait d'avoir limité son point de départ, le fait d'avoir limité le point de départ pour ce noble prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il va à l'encontre de la logique et de la sagesse et de la raison? Ou annahu aynul hikma wa muqtada al-mantiq as-sahih wa al-aql al-wa'i al-rajih? Ou alors, cette voie et cette façon de faire de ce prophète, c'est la sagesse elle-même. Et c'est la logique authentique. Et c'est la raison saine. يقول الشيخ لماذا يقره الله على سلوك هذا المنهج في الدعوة طوال ألف سنة إلا خمسين عاما ويشيد به ويخلد اسمه وقصصه ويكلف أعظم الرسل وأقل البشر أن يجعل منه أسوة في دعوته وصبره. Il dit حفظه الله تعالى pourquoi Allah سبحانه وتعالى confirme ce messager sur cette voie de la da'wa 1000 ans moins 50 ans et pourquoi il fait que le nom de ce messager a traversé le temps et que c'est une histoire à traverser le temps et pourquoi il impose au meilleur des prophètes alayhi salatu wassalam et au plus doué et le meilleur des humains doués de raison qu'il fasse de ce prophète un exemple et qu'il le prenne et que Mohammed alayhi salatu wassalam prenne comme exemple Nuh alayhi salatu wassalam dans sa da'wa et dans sa patience. يقول الشيخ الجواب المنصف القائم على العقل والحكمة ومعرفة مكانة النبوة والثقة العظيمة فيها وتقديرها حق قدرها. Il dit حفظه الله تعالى la réponse équitable et la réponse qui s'accomplit sur la raison et sur la sagesse et qui émane de la connaissance de la place des prophètes et la confiance dans les prophètes alayhi salatu wassalam et l'honoration des prophètes alayhi salatu wassalam veut. يقول حفظه الله أن دعوة التوحيد ومحاولة القضاء على الشرك وتطهير أرض الله منه تستحق كل هذا وأنه عين الحكمة واقتضى الفطرة والعقل. Il dit حفظه الله تعالى la دعوة vers le monothéisme et le fait de combattre l'associationnisme et de purifier la terre de l'associationnisme mérite tout ceci. Et ça, c'est la sagesse même. Et ce que implique la nature et la raison. Ce que rend obligatoire la nature et la raison. La da'wa vers tawhid et le combat de l'associationnisme. يقول حفظه الله وأن الواجب على كل الدعاة إلى الله أن يفهموا هذا المنهج وهذه الدعوة الإلهية العظيمة والمطلب الكبير فيكرسوا كل جهودهم وطاقاتهم لتحقيقه ونشره في أرض الله كلها وأن يتعاونوا ويتكاتفوا ويتحدوا ويصدق بعضهم بعضا كما كان الرسول دعاة التوحيد ويبشر سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم سابقا ويؤيد دعوته ويسير في مضماره يلدي حفظه الله تعالى. Et l'obligation pour tous les du'at il Allah qui doivent comprendre cette voie. Et cette da'wa divine et ce but noble, ils doivent faire tous leurs efforts et mettre toute leur puissance pour accomplir et propager cette da'wa du monothéisme sur terre, sur toute la terre. Et qu'ils doivent s'entraider entre eux et s'unir. Et les uns prennent comme véridique les autres, comme étaient les prophètes alayhi sallallahu alayhi wa sallam, des du'at vers le monothéisme, et que les anciens annoncent les nouveaux, et qu'ils prennent comme véridique ceux qui vont les rejoindre parmi les du'at, et qu'ils s'entraident sur cette da'wa, et qu'ils vont dans le sens de cette da'wa, et la da'wa du monothéisme et la da'wa des prophètes alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui s'entraident à ça, sur cette voie-là. كي لابد يبروت عليهم الصلاة والسلام. يجب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقوى من هذا المنهج لاختاره الله لرسوله وآثرهم به. الشيخ de nous dire, il faut croire que s'il y avait une autre voie, une noble voie, que cette voie-là, la voie vers le fait d'appeler vers le monothéisme, Allah سبحانه وتعالى l'aurait choisi pour ses messagers عليهم الصلاة والسلام. Et il aurait orienté ses messagers vers cette voie-là. Cela veut dire qu'il n'y a pas une meilleure voie que la voie du fait d'appeler vers le monothéisme et de combattre la socialisme. Il dit, est-ce que maintenant il appartient à un croyant, et il sait un croyant, de se détourner de cette voie et de choisir une voie pour lui, et qu'il combat cette voie-là, la voie du prophète, et qu'il combat les du'at de cette voie. فأخوة الإسلام من الآيات التي سمعنا من سورة نوح تبين لنا أن هذا العبر الطويل قضاه نوح في الدعوة إلى التوحيد وأن دعوته بدأت بهذا الأصل وانتهت به ولم تحد عنه قيد أنملة وأن قومه لما لم يستجيبوا للتوحيد أهلكهم الله وأغرقهم بالطوفان قول الله عز وجل à partir de ces versets que nous a cité الشيخ de سورة نوح. Il nous apparaît clairement que toute cette longue vie de Nuh, il l'a passée à quoi ? À appeler vers le monothéisme et à combattre l'associationnisme. Et que sa da'wa a commencé avec ce noble but, et il s'est terminé avec ce noble but, il ne s'est pas détourné, ne serait-ce que l'espace d'une phalange de cette da'wa. Et que quand son peuple n'a pas répondu à l'appel du monothéisme, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a anéantis, il les a engloutis sous l'eau. وربنا عز وجل أثنى على نوح وعلى دعوة نوح التي استمرت ألف سنة إلا خمسين سنة وهذا ثناء على هذا المنهج الذي صار عليه جميع الأنبياء وكلف الله أعظم الرسل وأعقل البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل نوحا أسوته في دعوته وصبره الله سبحانه وتعالى أفل لوج نوح عليه الصلاة والسلام دل دعوة نوح عليه الصلاة والسلام cette da'wa qui a duré 1050 ans. Et ça, cet éloge, minallah azzawajal, c'est l'éloge pour cette voie sur laquelle étaient tous les prophètes alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la meilleure, au meilleur des humains, qui est Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fasse de Nuh un exemple. Qu'il prenne Nuh comme exemple dans sa da'wa et dans son endurance et dans sa patience. Wa hadha alladhi yajibu ala du'ati ila Allah an yafhamuh. يعني يفهموا هذا المنهج وهذه الدعوة العظيمة التي هي دعوة التوحيد وأن يكرسوا كل جهودهم وكل طاقتهم لتحقيق هذه الدعوة ونشرها في الأرض كلها. Et c'est ce qui appartient à tous les du'at إلى الله. Ils doivent comprendre cette voie des prophètes عليه الصلاة والسلام. Cette da'wa divine Et ce but noble, qui est le fait d'appeler vers le monothéisme, ils doivent mettre tous leurs efforts hein, dans le fait d'accomplir et de propager le monothéisme sur terre. فَلَا يَلَيْتَ الدُّعَاتِ يَفْعَلُونَ هَذَا وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الدُّعَاتِ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَتَكَاتَفُوا وَيَتَّحِدُوا عَلَى دَعْوَةِ التَّوْحِيدِ وَعَلَى نَصْرِ هَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ فهل يليق بمؤمن أن يحيد عن هذا المنهج الذي ارتضاه الله ويختار لنفسه منهجا صوفيا أو حركيا أو حزبيا جاء من تلفيق رجل ومن فكر رجل تربى على الصوفية ويهجم على هذا المنهج وعلى دعاة هذا المنهج كما صدر ويصدر من بعض السفهاء المقيمين في بريطانيا مما يتكلمون باسم الإسلام. Donc, ici les du'ats faisaient ça. C'est-à-dire, si les du'ats s'unissaient, ils s'entraidaient pour propager le monothéisme sur terre. Ce monothéisme sur lequel était le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce qu'il appartient à un croyant de se détourner de cette voie, la voie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, qu'il a choisi. Et que, est-ce qu'il nous appartient à choisir une autre voie, une voie soufie, ou une voie activiste, ou une voie hizbi? Ces voix qui attaquent la voix du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et qui la dénigrent, comme la dénigrent certains insensés qui habitent en Grande-Bretagne et qui parlent au nom de l'islam. Qala ahaduhum wa bi'sa ma qala an Muhammad ibn Abdul Wahhab sadajun ja'a bi'asiya sadaja undur al-tahakkum bidu'at al-tawhid والذي جاء به محمد بن عبد الوهاب إنما هو الذي جاء به محمد بن عبد الله وهو الذي جاء به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكل الرسل والأنبياء جاءوا بتوحيد الله جاءوا بإخراج الناس من الشرك إلى التوحيد ومن الظلمات إلى النور. Certains parmi cette tête de l'égarement là-bas qui vivent en Grande-Bretagne et ils ont dit cette parole est malheur hein? Et quelle mauvaise parole est sortie de leur bouche. Ils ont dit que Mohammed bin Abdul Wahhab était naïf. Hein? Il a ramené des choses naïves. Regardez comment il se moque de la da'wa du monothéisme. Cette da'wa qu'a accompli Mohammed ibn Abdul Wahhab, cette da'wa qu'a accompli Mohammed ibn Abdul Wahhab n'est que la da'wa de Mohammed ibn Abdillah, le prophète, le dernier des messagers d'Allah. Et c'est la même da'wa qu'a accompli Nuh alayhi sallatu wassalam, Ibrahim, et Moussa, et Isa, et tous les prophètes et tous les messagers sont arrivés pour appeler les gens vers le monothéisme. Ils sont arrivés, ils ont été envoyés pour sortir les gens des ténèbres de l'associationnisme vers la lumière du monothéisme. فإن كان هذا السفيه هو من كان على شكلته ممن يسكنون بلاد الكفر تطاولوا على محمد بن عبد الوهاب فليعلموا أنهم بهذا الكلام تطاولوا على أنبياء الله ورسوله لا فرق بين ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما دعا إليه جميع الأنبياء والرسل فما هي إلا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فمن سخر من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإنما يسخر من دعوة الأنبياء ولكن أكثر الناس لا يعقلون. Et c'est insensé. Et ceux qui le suivent dans cette voie-là, parmi les gens qui habitent dans les pays de la mécréance, ont dénigré la da'wa de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Qu'ils sachent que ces paroles qui sont sorties de leur bouche concernant la da'wah de Mohammed ibn Abdul Wahhab, la da'wah de Mohammed ibn Abdul Wahhab n'est que la da'wah des autres prophètes, alayhi sallatu wassalam. Il n'y a aucune différence entre la da'wah qu'a accompli Mohammed ibn Abdul Wahhab et la da'wah qu'ont accompli le prophète et les messagers d'Allah, azza wa jal. Tous ils ont dit au peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Enfin, celui qui se moque de la da'wah de Mohammed ibn Abdul Wahhab, il se moque de la da'wah des prophètes, alayhi sallatu wassalam. Mais beaucoup de gens ne sont pas doués de raison. فإنشاءالله نزلوا أغيتي لا إسي إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله